في النطاق الهيفي اكي دي جي ياسر بحلل الماي لما تف مقطعي تدفق بغرق الامسيس في محيط من اسيد عتيك في السين مثل زجاجة تنبيذ لا مش فاهم كيف بدك تعتق رضاع الحليب امسي عريق بحسب وحدات الكواكب مثل علم فلك الماي من وراء المايكروفون فشو ما كان عمرك بالساحة الخباين عارف هون مين ما بعرف زوايا بيته حبيبا عايش هون هنا سلاح لما ينضغط على زناده بيخطف مقطوعات مميتة في داخل قلوب اعدائه بدم بارد مثل الزواحف فيش رحمة نتائب حتى لو كان الطفل بتترجى تحت الفقيل بيشبرك على تراجع استراتيجي حتى لو توحد مع اختك لتطلع رجل حديدي امسي حقيقي بتف لكل السامعين من مدينتي عمان عاصمة الفن الحقيقي اقتربت للامسي موعد حسابه ايه كيه بعود على الإقاع لحتى ينتزع حقه بذراعه مش راعي فالإقطاعي هون لحتى يقتلع من الرقاب حناجر مالها داعي اعدائي كالافاعي من حولي بتلتم في حين انا بهدوء متربع بالوسط على المزمار بعزف الحاني اتي لحتى عيد نظرة مستهين بذاتي وهين سين وكل امسي بنظر الي نظرة تعالي معاني بتوطفى خود من كلامي وارتفع كل الشعب بغني فما فيش مستمع نترجع حقك بادر بالهجوم انا بهذه التراك من خارج ارض مثل النيازك والنجوم لاقطاعي بعود على ايقاع العود ليملى المكان بعبط بارود مع ذخيرة من اشد عيار ليطلق 16 بار مثل مشط رصاص كافي ليكون سين واقف امامي بارتصاص يقالي قديم الزمان كان هناك راب حقيقي واختفى وعاد الان صوتي طابقة هل بيت عانقة هنا الحقيقة على مفارقة اصعب هدوه للامسي يومي يتكلم فقط يندر ثقافة ولبعض منه يتعلم قد يتألم انسان بالهيب هوب فلم ضغط عليك الا الطرق فللاعلام سلم رب الوساطة هند اليمين على الحطاطة امثالكم ككاتب الحرف ناسي نقاطة بلا مضمون وشلون انتو تغنون امتلك اعدائي لهالنوعية وسلاحي معهم سيفون انا امسي اادي رب الحر النقي لذلك تعتبر ثقافة كيرس المتنبي ساطة ما يخيب نفسه لا انسان ضعيف الداد ارجع احلامه دي جي ياسر يتمنى فقط لو مات We'll be right back. C'était The Greatest Handshake à Web Music. C'était la pièce Kiss on the Ear equals I'm Horny. C'était tiré donc du EP éponyme de Greatest Handshake. C'était donc précédé par un mohop. On entendait l'excellente pièce Amjad Akey. On poursuit cette fois-ci avec Camp Island. Je vous fais entendre la pièce Wisconsin. C'est suivi tout de suite après de Boys Climbing Ropes, un groupe qui nous vient de la Chine. Je vais vous faire entendre la pièce Dirty Butts. Donc pour tout de suite, à Web Music, on écoute Camp Island. Obsolescence. as long as we stick together, our circuit boards will shine. When our wires across the world losing powers, and our joints begin to grind. The circuitry is hot and out of control. Our iron brass are out of time. Cause we are the iron bots and our programming has begun this time. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1. Vous êtes à l'émission Web Musique. On vient d'entendre un groupe qui nous vient de la Chine. C'était Boys Climbing Ropes. C'était la pièce Dirty Bots tirée de l'album A Pleasure to Be Here. C'était précédé par Camp Island et la pièce Wisconsin. C'était donc tirée de leur démo From Camp Island. On poursuit avec Longaman. Cette fois-ci, je vous fais entendre sa pièce Pes Def. Thank you.

Oh, un heureux mélange d'opéra et de métal. C'était Only Zool avec la pièce Goat Mountain. C'était tiré de la compilation Torn From Within. C'était sur l'excellente étiquette Torn Flesh Records. Pour poursuivre Web Music, je vous propose un truc publié sur l'étiquette russe Ross Zod, étiquette spécialisée surtout dans le drum and bass et musique connexe. Je vous fais entendre une pièce de Gnome Corps. La pièce s'intitule Apparat 11. After all, we are animals ourselves. Evolution is all about successful mating. It's accomplished over millions of years. Winners in the game of evolution. Those who never get the chance to mate are the losers. Losers. Losers. Losers. Losers. Мужчины и женщины меняются. Через тысячу лет не будет ни мужиков, ни баб. Одни гомосеки. Психосексуальные гермафродиты. Human evolution accomplished over millions of years. Одни гомосеки. Женщина даже только позаимствован у нее. Генитальный аппарат. Генитальный аппарат. Мы автономные роботы-организмы с планеты Кибертрон. Генитальный аппарат остается... We'll be right back. C'était Gnome Corpse à Web Music, c'était la pièce Apparat 11. Je vous propose cette fois-ci de Mechanical Mass, je vous fais entendre la pièce Follow the Space Renovation. C'était de Mechanical Mass à Web Music. On entendait la pièce Follow the Space Renovation. C'était tiré de l'album Disintegration of Persistence. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous invite à rester à l'antenne de CKRL. C'est Maniac Session avec Michel Plamondon qui vient tout de suite après. Nous, on se quitte sur une pièce de Substance B. La pièce s'intitule Thinking About Girls.